Le suprême Adolfo Muteba Chilamwina. Soyons posés. C'est écrit. N'a qu'au falan de l'ibou, solo pomme à papa ou baïoui. Bakunangawana, si le tien à l'aise à l'ampiouana. Comme ça, mon tout cas, comme on est si grand, n'a pas qui. Adolfo Muteba Chilamwina. Boulia dira FBMM. Osmano lindo bien te. Osali toto lumba ki osali oto lumba ki te. Namana ki anjo so ke si yuna mi le koza la mi le bekura si yu. Kasi te me liyo I kataka mo su nya moto. Kala ne mo sa fi mo te ma. Fume reso do te kashi mbogo mbogo izo mona na te kozo anoko ndo ki te. Mbonge uta ka yes. Isa la kaju ya si na wes. Mwana mbala ki na zala ki na na ori ya mo te ma na yu. Mbonge uta ka yes. Nicole César, l'espoir, y a Monsieur Franck Timanaïl. Ganda Isar Mopaya, et Salaka Degana, ma couple. Narabanza Kineza, qui gouverneur Yamotemana, et vous, Telomotemi Zogi. Bolimo Solo et Boumakaï. Jean-Jacques Maloulou, Carlos Tomatala de Hollande. Christian Melos. Willy Etoka. Raoul Omina. Paul Roumar. Tony Kaleta. Ibrahim Eladj. Chilamina, la zalina mpema, mema kasina. Oteze panayo, la mwana famille pauvre, la mwaya ba ministre, le lona bambili puta. Pona mouti bai, Adolphe. Adolphe puta, kame kona mgei kouti kiu. Kam tisumwa. Kote sheria tomenga lutu. Sacrifice na sala na kuma sindiri na ili. Kini solina. Esepsie sili singa nzoto ba retrate na majohani. General Bandi, General Lole. Rock Saranko, Vincent Alexis Gomez, Aimé Bimbi, Gauthier Mascotte. Grand prêtre, grand prêtre, Mouteba, calmez tempo. Mon ami Payou. Big Master Njuka, Sam Pengo May Leader et Presse. Fidélité comme ça, Marie-Jeanne Gambara. Rodolphe Toumba, Pitsou Bumbanga, Pitsou Moussampa, Honorable et chancelier Dany Nkongolo le Sphinx. Mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon téléphone, mon ami, mon Moïse Katumbi Niuta TV Kitenge Kikumba. Papi Blaise Moukoua Cardozo Mwamba Raïssa Vambili Don Piero Kazatoure Martin Chamoulé Garage Bush Silva Kovo Ingila L'étoile du Parlement Ingil Kov Djidone Bamouina Biso Banga Nisobi Zouté Christian Monde Sim à l'argentier du Katanga. Richard Kabala à le club. JP Amadi Agro Piscicole. Wapi Peri Sérimani, être grand, est grand. Christy Chora,